T'es revenu ? Ouais, je suis revenu. Et ben voilà. Ils m'ont laissé rentrer. Reprenons cette conversation là où nous l'avions laissé les semaines précédentes. Okay. C'est Pyongyang Stereokers numéro 415 ce soir. On est quel jour aujourd'hui ? On est le 26, non ? 26 novembre. Ouais. 2025. Ouais, je dis ça pour les gens qui enregistrent avec leur radiocassette. Ce soir, Pyongyang est réduit, c'est presque sa plus simple expression, on n'est qu'à deux. Vu que, ah, bon voilà, y a, donc il y a Jamo. Bonsoir Jamo. Bonsoir. Oui. Et puis Mézig, Stéphane, pour une heure de potin et puis de. Bon, non, il y aura beaucoup de musique et pas beaucoup de baratin, enfin, à part maintenant. Et puis, il devait y avoir Célia, mais elle a Mosnol, donc elle a resté à sa maison. Et puis, bah, normalement, la semaine prochaine, il devrait y avoir une grosse équipe. Ah oui, et puis, alors aussi, un petit bonsoir à Thibaut, hein, qui fait ses devoirs familiaux. C'est important. C'est voilà. Important, ouais. Non, on se moque, mais c'est normal, il n'est pas là. Il était avec là, avec Archon. Et puis, bah, voilà, moi, je vais. Essentiellement parler des concerts qui vont avoir lieu ce week-end à Lille et un petit peu autour. Pour l'instant, strictement rien à voir. Ça y est, je me souviens même plus ce que je voulais passer. Il va falloir. Ah, mais si, bien sûr. C'est un truc que j'écoute fort souvent parce que c'est vachement bien. Et ça vient de Catalogne, environ. Catalogne. Ouais. Bah oui, c'est des Catalans, ils sont de Catalogne. C'est Enemic Interior, ça date de 2023 ou 2022, cette affaire. Le titre, c'est Eterns. C'est beau, hein. C'est court, c'est mais beau, c'est beau. Ouais, oui. C'est intense. Alors, t'étais en Irlande, mais t'as écouté des groupes britanniques. Ouais, bah enfin, c'est sorti hier en même temps. Bon. J'ai capté ça. C'est pour ça que je connais pas, je me disais. Et qu'est-ce qui est sorti hier alors ? Alors, c'est le troisième extrait du futur album des Sleeper Mods. Ah. Ouais. Et c'est Bad Santa. Alors. L'album, ce sera The Demise of Planet X. La démence de la planète X. Mmh. Ouais. Peut-être X, le réseau social, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais. Eux, ils seront plus à même de le dire. Pour l'instant, ils disent rien, ils font des surprises. Alors, ça parlera de du mal alpha, la culture du mal alpha, de l'apogée de la droite et Donald Trump. Qui est essentiellement Bad Santa. Ok, d'accord. Ah, d'où voilà. Le titre. Voilà, d'où le titre. Bad Santa des Sleeper Mods. Bad Santa. Sana. Yeah. trick bastard, stop a laughs. I've been trying to work on my height, mate. Nothing more than about eight tight, mate. Dapper laughs, big gaffs, locked torment in a badger's kiss. Kiss this, bad Santa, gangster, caravan king, Don King, Emperor Ming, in, minging, minging your fucking con, yeah. Bad Santa. Like wheels, the 51st day of it hasn't got the big reveals, but what's left out the bag, wrapped up, dapper laughs, I fuck your missus look, when you send the yellow red sky, red tie, the cone of terror, Mac is on a private jet, arse tremor, the cone of terror, the cone of hell, fucking, fucking, bad Santa, fucking, yeah. Bad Santa, fucking, fucking, yeah. I'll come round your ass and I'll cook for you. Why don't you come round my ass and stare at me too? It's my car, it's my cash, you con. Why's he like everybody just turns up? The con. Live, dis donc. Bon, ouais. On sent qu'il y a une petite voix un petit peu pas retravaillée, quoi. Ouais. Mais bon, tout le monde n'a pas un son aussi propre, quand même. Ouais, ça va, ça passe. Ou alors il y a des moyens derrière, on sait pas. Ouais, c'est bon. De l'argent. Il sortira quand, cet album? Alors, attends, let me see. Le 16 janvier 2026. Bravo, bah on a encore le temps. Il y a encore 50 jours. Si ça... Bravo. Ouais. Si ça tombe, on sera mort d'ici là. Ouais. Reprise de la semaine dernière, plein d'erreurs, plein de manques comme ça. Muddle, The New Group Liwa qu'il faut avoir vu, ce qui n'est pas mon cas. Muddle, en anglais, ça veut dire confusion, fouillis, pagaille. Hein, alors que je disais que j'avais rien trouvé, parce que j'avais mal cherché. Ensuite, Sifoïd, on avait présenté un titre de ce groupe américain comme étant Vicious Circle. Non, c'est Vicious Cycle. Le titre de Chelsea que j'ai passé à la fin de l'émission de la semaine dernière, j'ai dit que ça datait de 83, n'importe quoi, je me suis gouré de 10 ans, c'était 1993. Voilà. et puis Defun, j'ai complètement oublié le groupe de Toulouse là, ouais. Dont j'ai passé un morceau de leur démo sur CD à l'ancienne. J'ai complètement oublié de donner leur Bandcamp. C'est Defun, D-E-A-F-E-N, Raw, R-A-W, tout collé. D-E-A-F-E-N-R-A-W.bandcamp.com. Et puis pouf, vous accédez à cette démo, 12 titres, dont une reprise de Doom. Voilà, strictement rien à voir. Voilà, ça, j'ai fait mes devoirs et puis mes corrections de la semaine dernière. Maintenant, totalement rien à voir. Un groupe lillois qui, eux, n'ont pas de corrections à faire vu que c'est vachement bien. Hit Cruise, qui sont passés en début de mois au Old Dirty Minou, je crois. Les voici avec Mad World. Mad World. cause à l'antenne de Campus 106,6, c'est Pyongyang Steel Rockers numéro 415 et il est déjà 20h14. C'est le moment de passer du métal. Ouais. Vu que... attendez, ouais, au Pits vendredi, il y a Grove Street, c'est des roast beef qui font du crossover trash. Et puis ils seront accompagnés de deux autres groupes qui font le même genre de choses. Doomsday, eux c'est des ricains californiens de je sais plus quel bled. Et puis Shaolin, c'est un nouveau groupe belge qui fait aussi du crossover trash. Voilà quoi. Voici donc Grove Street avec... Hein? Grosse soirée, ouais, je n'y serai pas. Ça sera au Pits à Courtrai. Hein. Je crois que c'est 15 balles l'entrée, un truc comme ça, quoi, quand même, hein, pour trois groupes. Hein. J'ai dit à Kerr à tout ça. Voici donc le dernier titre en date de Grove Street. C'est un extrait d'un album qui est en train de sortir, là, c'est pour ça qu'ils vont tourner. C'est Grove Street qui font Self-Sabotage. J'avais prévenu, hein, c'est du... Voilà. Ça tape. C'est du trash. Ouais. À toi. À moi, ouais. Mais quelque chose d'humain. Ouais, je vais mettre Rancœur. Ah ouais. Ouais, Rancœur. L'hiver, c'est pas plus joyeux? Si. L'hiver? Bah, moi, j'aime bien l'hiver. Ah ouais? J'aime voilà bien toutes les saisons, plus les gens, ils aiment pas, c'est l'hiver, l'automne, tout ça. C'est cool. Et... Attends, let me see. Il joue à Montreuil le 31 janvier. À Montreuil sur mer? Non, Montreuil. Montreuil. Ouais, à côté de Paris, là. Ouais. Oh là là, c'est loin. Ah, voilà, c'est ouais, loin. C'est loin, mais ça. Mais c'est bien. À mon avis, ça vaut le coup. Ouais, bah t'iras alors. Ouais. Tu feras. J'irai en immersion. Un Geek Report. Ah ouais. Carrément. Ouais. Attention, hein, il paraît qu'il y a plein de Parisiens. Ouais, donc Rancœur. Rancœur, l'hiver. Déchire toujours Rancœur. M'interposera alors. Ouais. Petit concert de samedi à la Mule Solo. Il y aura Gravier, Misty et Bathlost. J'ai déjà passé ici. D'ailleurs, Gravier aussi, il me semble. Misty, non, ouais. Un peu trop soul pour moi. Elle a une belle voix, mais bon. Bref. Par contre, Gravier et Bathlost, c'est du post-punk. Donc, c'est tout à fait dans mes cordes et dans les cordes de Pyongyang City Rockers d'ailleurs. Voici Bathlost, groupe qui vient de la Mitrie. Oh l'homme, t'as vu? Allez. Ouais, je crois que c'est un truc dans ce genre-là, il me semble. En tout cas, ils font partie de toute la nouvelle écurie de groupe post-punk autour de Lille, qui traîne beaucoup à la mule, justement. Ce concert aura lieu dans le cadre de Culture Barbare, le festival de concerts barbare. Dans les bars. Barbare. ouais, c'est collectif. Ça. Et d'ailleurs, il y aura, il faudra que je le dise après, il y aura aussi Violence Banalisée et Knup qui vont jouer, mais je ne sais plus quand. Ouais. Donc je vais te dire après. Pour l'instant, voici Bathlost avec Dialogue 2. C'est sorti au début de l'année, je crois, il me semble. Sur leur démo qu'on va trouver sur leur Bandcamp. Bathlost. Pouf, Bathlost. Allez. Bathlost sur l'antenne cool. De Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers, que, encore une fois, mais là je vais pas attendre la semaine prochaine pour rectifier. En fait, je me suis trompé de groupe qui finit par host. Ceux qui viennent de Mitri, c'est Most. Mitri Original Soundtrack. Ils font un peu de trucs dans le même genre, un peu moins rapide. Bref, en tout cas, Bathlost, ils sont quand même de Lille. Elle et ils sont de Lille. Et puis voilà, et ça joue samedi. Voilà, la Mule Solo, ceux qui jouent vendredi, ici même, dans le hall qui est là, 5 mètres devant nous. C'est Naked Nurses. On va faire un petit live plus interview, live campus, à partir de 21h. Voilà. Il n'y aura plus qu'à être soit ici, soit à côté de votre radio ou de votre ordinateur qui diffuse la radio pour écouter ces 3 heures avec Naked Nurses. Et puis, on va pouvoir les écouter dès maintenant avec un titre de leur démo sorti en 2024, me semble-t-il. The Executioner, Naked Nurses, et on n'oublie pas Acab et la semaine et après-demain ici à Radio Campus sur le 106,6, le DAB, 7C, et puis ouais, campus lille.com, et puis voilà, et puis ça sera Naked Nurses. Et la presse. Et là, oui, voilà. Voilà. Naked Nurses, The Executioner. Is there Performance en live ce vendredi sur ça Campus 106,6 grâce à Pyongyang T-Rockers. C'est l'émission que vous écoutez actuellement. Il est 20h32 minutes. Et franchement, en plus, c'est bien qu'il y ait des copains et des copines qui nous écoutent. Parce que du coup, on peut se faire rectifier directement au téléphone. Donc, au musical, c'est Knup, Violence Banalisée et Sinoc qui y seront aussi dans le cadre de Culture Barbare. Merci Thibaut. Merci. Il n'est pas là, mais il écoute quand même. Il est là quand même. C'est de voir, ouais. Moi, je vais vous passer Cadillac. C'est un membre de Stupéflip, un personnage. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est la chanson, c'est Limas. C'est sur l'album Originul, sorti en octobre 2018. Et la limace, elle passe de l'escargot et ça fait mal, quoi. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Okay. C'est perché. Et voilà. Perchons-nous. Ouais. n'est pas fou. On n'est pas fou, non. Alors. Henri n'est pas là ce soir, donc vous avez cru pouvoir échapper au son extrêmement fumé et suédois, voire japonais. Et ben, c'est raté, vu que je vous ai trouvé quelques bons vieux trucs, mais alors vraiment derrière les fagots, là, tout au fond. La réserve qui date d'il y a 40 ans, vu que ça date de 1984, ouais, 41 ans même. Ah, j'étais né. C'est ah bah quand cool. même, tu vois. Ouais, quand même. C'est Bed Rovelers, un groupe un petit peu oublié apparemment, mais qui était dans la veine des premiers groupes de hardcore suédois, ce qu'on appelait ensuite Kangpunk. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se demandent toujours, mais qu'est-ce que c'est que ces dénominations de style absolument fantaisiste. Eh ben voilà, c'est ça, le Kangpunk. K-A-N-G Punk. Bed Rovelers, donc, qui avait sorti, entre autres, titre de gloire, une split cassette avec Asocial, qui eux n'ont pas été oubliés vu qu'ils faisaient vraiment partie de la première élite du hardcore suédois et qui sont reconnus internationalement comme tels. Bien sûr, cette cassette, c'était un petit peu compliqué de l'avoir à l'époque en 84. En tout cas, moi je l'ai jamais eu, même entre les mains, voilà, jamais trouvé nulle part. Par contre, il y en a qui avaient eu la bonne idée de la ressortir sur un vinyle un petit peu bootleg, enfin pas vraiment officiel, au début des années 90. C'était une équipe qui était autour de Seth Dixon de Active Minds, les Anglais, okay, là, qui existent toujours d'ailleurs. Et donc, on retrouvait sur cet album 4 démos, enfin, donc 7 démos de Asocial plus Bed Rovelers, plus des titres de Anticimex, plus des titres de Mob 47. Bah écoutez, c'est pas mal. Et ça, ce truc s'appelle, il y a assez facilement trouvable encore, et pour pas trop trop cher, vu qu'ils en avaient fait. Pas mal d'exemplaires et ça s'appelle Eat My Brain Go Insane. Voici donc un petit titre de Bed Rovelers avec le titre c'est Our Statement, et puis ensuite bah, je vous ai mis un petit Mob 47 parce que ça fait toujours bien par où ça passe. Ils nous disent que la religion c'est un lavage de cerveau. Religion, Yarnfett, Bed Rovelers suivi de Mob 47 sur Campus 106,6 et puis on y va sur le cœur numéro 415. Voilà. Bon, il nous reste 20 minutes, occupons-les sympathiquement, non pas en parlant de concerts qui vont avoir lieu pour l'instant, mais je vais vous passer un truc là, qui traîne depuis au moins 3 semaines dans mes bacs. C'est 10 juin, c'est un groupe qui vient d'Angoulême, vous savez, par là, dans l'Ouest. Là. C'est bien influencé par tous les groupes Guerilla Assault, etc. Ils ont sorti un album qui s'appelle Désordre, au pluriel, en plein milieu du mois d'août 2025, que j'avais réussi à contourner jusqu'ici, mais ce n'est plus le cas. De quoi que ça cause dans ce titre, j'aime tant danser les jours de grève, m'abandonner les jours de pluie. Les paradis artificiels font-ils le sel de la vie ? C'est une très bonne question, mon cher Jamo. C'est clair. Donc, bonne question, mon cher Callaghan aussi. On y répond en lançant ce jour de grève. Donc, il faut que je le retrouve aussi. Voilà, je l'ai trouvé. Ce jour de grève de 10 juin, dont ces paroles que je viens de vous dire tout à l'heure, sont issues. 10 juin, jour de grève. Toujours sans trêve entre la machine et le bruit. Les sacrifices personnels sont-ils le Graal de la vie? Les chats s'arrêtent en silence, laisse la place aux oiseaux. Libérés de mes illusions, je retrouve enfin la lumière. Suis-je aveugle à penser comme ça? Serais-je le seul à penser contre moi? C'est mignon par rapport à des trucs qu'on va passer avant. je reprends mes élucubrations sur les concerts. D'ailleurs, ouais, j'en annonce quelques-uns ici ce soir. Mais il y a plein de choses encore prévues sur l'île et autour, et puis dans la région d'une manière générale. Ce week-end, vous pouvez toujours retrouver ces annonces sur le site, l'excellent site Shpunk. .org. Parce que franchement, hein, la personne qui fait ça, c'est... Franchement, c'est pas la grave. Oh, voilà. Voici donc un petit truc de Nothing Heads, groupe londonien. Attendez, où est-ce que je l'ai foutu? J'arrête pas de perdre mes choses, mes affaires. Nothing Heads, les voici, qui seront au Stratula, rue du Vieux Faubourg. C'est juste à côté de la gare de Lille. C'est la petite rue là, qui part de la place des Réunions, là, tu vois quoi. Par contre, accessible. Ouais, c'est super accessible, mais apparemment c'est tout petit, c'est dans la cave où il y a vraiment pas beaucoup de place, donc il faut réserver, et l'adresse de réservation c'est lamourdulointain@gmail.com. l'amour du lointain tout collé, c'est bon, je vais pas vous l'appeler parce que ça fait depuis tout à l'heure que j'appelle des trucs, et l'amour du lointain d'ailleurs c'est l'orga qui organise cette organisation. Nothing Heads, donc groupe noise punk londonien qui vont jouer entre autres ce titre que je vous passe maintenant, Beam Engine, et rendez-vous au Stratula samedi 29 novembre pour les voir. 13 secondes de fade out, c'est vraiment pas du boulot ça. Ah, franchement, ça oui, j'ai oublié de dire ce que c'est. C'était De Pire en Pire par Bingo Crépuscule qui nous ont encore fait un très bon concert samedi dernier. Ouais. Ouais. Ou pour le concert du Silicate Fest. Voilà. Au CCL. Ouais. Moi, je voulais passer cuire. Bah, tu veux, bah, t'as qu'à vouloir. Ouais, trouble fait. Il s'occupe de la bande-son, celle qui te fera péter. Les plans. On y va. QR Trouble Fête, sorti en avril 2024. Trouble Fête. Ouais, s'il veut bien arriver. Hein. Ouais, il prend le temps. Ouais, c'est comme il veut, Jean-Michel. C'est pas comme ta soirée, ça va sûrement pas te faire. Je t'ai pas invité, mais je ferai pas marche arrière. Alors tu vas me dire les choses qu'il faudrait que je respecte. Et que tu veux que je sois pas, ça soit ta tête. Et que t'es pas de compte dans le salon, faut que ça reste propre, espèce. Faut pas y'a son casse-fait. Les gros sont déjà sur ton cadavre, j'ai la canon ici. Ils sont minus, et ça dérape, dérape. Ça dérape, bras, bras, quand je t'envoie la place. Ça dérape, au max. Ça dérape, bras, bras, quand je t'envoie la place. Qu'est-ce que tu fais avec ma bouteille de vin? Tu l'as trouvé où? Enlève-la, c'est mort. Si tu veux, je te la rends. Mais j'ai la chair, c'est pour toi. D'ailleurs, je fais pas d'autre, mais tu t'es pas encore courant. T'en seras davantage quand tu feras des lâches. Tu me fais jamais tes cotillons, tu me fais. Mais tu le vends ta maison, je m'occupe de la bande-son. L'entendu du bande-son. Tu me fais jamais tes cotillons, tu me fais. Mais tu le vends ta maison, je m'occupe de la bande-son. Celle qui te fera. Ça dérape, au max, ça dérape, bras, bras, quand je dans la place, ça dérape, au max, ça dérape, bras, bras, quand je dans la place, trouble fait, jamais des cotillons, trouble fait, la couleur dans ta maison, je m'occupe de la bande-son, d'entendu du bande-son, trouble fait, jamais des cotillons, trouble fait, la couleur dans ta maison, je m'occupe de la bande-son, c'est qui te fera péter les plombs. Plomb. Ça pète toujours, cuir là. Allez, je reprends mes concerts, il nous reste à peine 7 minutes. Dimanche à la Mule Solo, tiens, encore un coup dans le cadre de Culture Barbare. Ouais, la Mule Solo, pas la Mule ici à côté, la Mule dans le violet. Ouais. Il y aura Cobra Yard, du hardcore punk, Tree Noise, et Cabro Chico, mes petits préférés qui font du skate punk à la chilienne, mais c'est quand même des Lillois. Ils seront à la Mule Solo à partir de 15h dimanche qui arrive. On va pouvoir écouter tout de suite une partie d'un titre de Cobra Yard qui a été enregistré sur une radio concurrente et néanmoins amie, RCV 99. Il y a un gros mois, c'était le 11 octobre, un samedi, dans le cadre de l'émission My Favorite Everything, où ce gars il fait pas mal de live, carrément dans le studio. Voilà, donc Cobra Yard avec un titre dont auquel que je ne sais pas ce qu'il est. Les voici. We'll be right back. il faut déjà reprendre, hein, je leur coupe la chic. Bon, ça se trouve, hein, ce truc de Cobra Yard, et puis peut-être un jour ils arriveront à faire un truc en studio aussi. Ouais. Et ils jouent donc dimanche au, à la Mule Solo. Il nous reste pas longtemps pour dire que donc, bah, c'est la fin de Pyongyang City Rockers numéro 415. On se retrouve vendredi qui arrive à partir de 21h pour ce live plus interview de Naked Nurses à l'antenne de Campus 106,6, machin, poète, poète, toi de soin. Et puis on se retrouve aussi pour une émission normale ou presque le mercredi prochain à partir de 20h. Ça sera la 416e de Pyongyang City Rockers. Plus rien à ajouter. À câble. Eh bah oui, bah oui, mais faut pas, on n'oublie pas. Ah, on n'oublie voilà. pas. Et on se quitte avec Liquidators qui vont jouer demain soir à la MDE, juste ici en face. Ouais. Comme à la bonne vieille époque où le jeudi il y avait des concerts quasiment tout le temps à la MDE. Et puis qu'on venait d'abord dans Acouphène pour voir les meilleurs du monde, Jérém et Gaël. Et puis après ça, on allait voir les concerts à la MDE. Pour l'instant, voici The Liquidators avec une petite reprise bah, que vous trouverez. Donc c'est même pas la peine que je le dise. On se retrouve la semaine prochaine et vendredi. Qui arrive, ne l'oubliez pas pour Naked Nurses. Au revoir et on n'oublie pas. À câble.